إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 17 dans la lecture et l'explication du livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam, explication du livre de Umdat al-Ahkam qui est le livre de hadith des règles de la charia. Et c'est écrit par, yani le sharh est écrit par le Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman ibn Salih al-Bassam. Hein, et c'est le Cheikh de, c'est le sharh du livre du Cheikh Abdul Ghani al-Maqdisi. Abdul Ghani al-Maqdisi al-Hafiz al-Imam. Donc on est rendu au hadith numéro 30. Le hadith numéro 30 dans le chapitre au sujet de al-ghuslu min al-janaba, al-ghuslu min al-janaba, qui est la porte ou le point numéro 5 dans Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Donc c'est-à-dire le fait de comment on se purifie de la grande impureté, al-hadath al-akbar, al-janaba. Lorsqu'on a eu des rapports intimes avec notre épouse, ou bien lorsque la femme a des rapports avec son époux, comment elle se purifie par la suite, donc comment on se purifie après ça, et comment on enlève cette impureté majeure. Naam. Le hadith suivant, qui est le hadith qui vient après le hadith 29. Au dernier cours, on a vu le hadith 28 et le hadith 29. Les deux hadiths en question, le premier c'était le hadith d'Abu Huraira, le deuxième c'était le hadith d'Aïcha radiallahu anha, qui mentionne que ils se lavaient ensemble, qu'ils se lavaient ensemble d'un seul contenant. Le prochain hadith, c'est un hadith de Maymouna. Maymouna bint al-Harith, qui était également une des mères des croyants, c'est-à-dire une parmi les épouses du prophète, radiyallahu anha, wa radiyallahu anhunna, wa sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était donc marié avec Maymouna bint al-Harith. Et donc je vais lire le texte. An Maymouna bint al-Harith zawj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annaha qalat wada'tu li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wudu' al-janaba fa'akfa'a bi yaminihi 'ala yasarihi marratayn aw thalathan thumma ghasala farjahu ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est le hadith 274 dans Al-Bukhari et le hadith 317 en Sahih Muslim. Maintenant on va faire une traduction de ce hadith. Le hadith, il dit que c'est rapporté selon Maymouna bint al-Harith, l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a dit: j'ai placé de l'eau pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il fasse sa purification de la janaba, c'est-à-dire du fait qu'il avait eu des rapports intimes avec sa femme. Alors, lorsque je lui ai placé l'eau, j'ai placé l'eau pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a versé de l'eau dans sa main, de sa main gauche, ou il a versé avec sa main droite de l'eau sur sa main gauche. Il a fait ça deux ou trois fois. Ensuite, il a lavé ses parties intimes et il a ensuite frotté sa main ou frappé sa main sur le mur ou sur le sol, sur la terre du sol ou du mur, deux ou trois fois. Ensuite, il a fait le wudu comme on le fait d'habitude. Il a fait al-madmada wa al-istinshaq, c'est-à-dire il a fait entrer de l'eau dans sa bouche pour rincer sa bouche et l'a craché par la suite, et dans son nez aussi, même si c'est pas c'est mentionné al-istinshaq. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé son visage et ses bras, ses avant-bras. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait verser de l'eau sur sa tête. Et ensuite, il a lavé son corps au complet. Puis, il s'est écarté et il a lavé ses deux pieds. Et Maymouna, elle dit ensuite: je lui ai apporté quelque chose pour qu'il s'essèche, comme un morceau de tissu ou une serviette, et il n'en a pas voulu. Et il a, qu'est-ce qu'il a fait? Il poussait l'eau avec ses mains de son corps. Donc c'est comme s'il il retirait de son corps l'eau avec ses doigts ou avec ses mains. Naam, ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, comme on a dit. Maintenant, les termes qui sont clarifié de ce hadith. Il y a quatre termes. Le premier, c'est akfa'a al-ina. Akfa'a al-ina. On a dit tout à l'heure dans la traduction que il a versé, il a fait verser de l'eau. Et c'est ce que ça signifie. Il a comme penché un peu le contenant pour faire que de l'eau tombe du contenant. Donc c'est ce que ça signifie. Il dit, le cheikh, il explique: akfa al-ina qallabahu ala wajhi wa kafa'ahu amalahu wal hadith yufid al-imala bila shak wa hadha ma yuwafiq riwayat al-bukhari wa hiya kafa'a fa ankara ba'dhum an yakuna akfa'a bima'na qallaba. Naam, donc akfa'a, ça veut dire de renverser complètement, et c'est-à-dire quand tu prends un contenant puis tu le mets à l'envers, et kafa'a, ça veut dire de pencher le contenant. Et donc c'est dans ce sens-là que le hadith veut dire akfa'a, dans le sens de kafa'a, c'est-à-dire de faire pencher le contenant pour verser de l'eau avec. Et ça, c'est qu'est-ce qui est en accord avec la version de l'imam al-Bukhari, qui est le verbe kafa'a. Et certains ont pas accepté ou ont rejeté que le terme akfa'a soit dans le sens de renverser, hein, complètement. Qallaba. Le deuxième terme, daraba yadahu fil ard aw al ha'it, c'est-à-dire qu'il a frappé sa main sur le sol, hein, ou sur le mur. Le cheikh explique, il dit al murad minhu mashu yadihi bi ahadihima li izalati al-luzujati ba'da al-istinja. Donc le cheikh explique que la signification de frapper le mur avec sa main ou de frapper le sol, ça signifie que yani, il a frappé avec sa main, soit il a frotté sa main sur le mur ou sur le sol pour retirer la viscosité qui reste après s'être nettoyé les parties intimes. Puisque lorsque quelqu'un a eu des rapports intimes, il y a souvent... sur ces parties intimes des restants de viscosité, et donc quand il verse de l'eau sur ces parties, eh bien une fois qu'il a fini de se nettoyer, il peut essuyer cette viscosité, hein, soit avec en frottant sur la terre ou bien ou sur le mur, ou bien en utilisant quelque chose d'autre qui permet d'enlever cette viscosité. Le point numéro 3, إفاضة الماء على الشيء إفراغه عليه وإسالته فوقه. Donc إفاضة الماء, ça veut dire de vider de l'eau sur quelque chose ou de faire en sorte que l'eau coule par-dessus. Donc c'est ce que signifie lorsqu'on dit à la fin du hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam versait de l'eau sur sa tête. Ça, c'est après avoir fait le wudu, hein, après avoir complété, il a lavé son visage et ses bras, il versait de l'eau sur sa tête et sur son corps. Il lavait son corps au complet, puis il s'écartait un peu pour laver ses pieds. Naam. Ensuite, le dernier point qui est clarifié ici, falam yuridha, c'est-à-dire lorsque Maymouna a présenté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un tissu ou quelque chose pour s'essécher, eh bien il n'en a pas voulu. Falam yuridha yani bi dhamm al ya wa kasr al ra يعني وإسكان الدال من الإرادة لا من الرد لا من الرد كما غلط بعضهم. Donc فلم يردها, c'est pas فلم يردها, c'est-à-dire c'est pas comme certains ont compris incorrectement que il ne l'a pas rejeté, c'est plutôt du verbe أراد يريد فلم يردها, c'est-à-dire il n'en a pas voulu. Donc c'est, il y a un dhamma sur le ya, une kasra sur le ra et sur le dal une sukun. Donc c'est du verbe arada yuridu falam yuridha, il n'en a pas voulu. Naam. Donc ensuite, ma yukhadhu min al hadith, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith comme principe et comme règle, hein, dans la sharia et dans le rasoul de la janaba. Le cheikh il explique, il dit mimma yu'khadhu min al-hadith hadha al-hadith nahw al-hadith as-sabiq wa fihi fawa'id najmaluha fi ma yali. Donc dans ce hadith on peut tirer des choses comme des choses semblables à qu'est-ce qu'on a tiré dans le hadith précédent. Et il y a des points bénéfiques. Voici ces points bénéfiques de façon résumée et générale. Le premier point, il y en a huit. Le premier point, al-hadith al-awwal dhakara fihi ghaslu yadayhi mujmalan wa fi hadha al-hadith dhakara anna ghaslahuma marratayn aw thalathan. Donc dans le premier hadith qu'on a lu, le hadith précédent, c'était la mention de, du fait de laver les mains, ça avait été mentionné, hein, de façon générale, et ça n'a pas été détaillé. Hein, ça n'a pas été détaillé. Toutefois que dans ce hadith ici, on mentionne de laver les mains deux ou trois fois. Hein, donc ça c'est plus détaillé ici. Ça veut dire on mentionne le nombre de fois qu'on peut laver les mains. Le point numéro 2, وفي هذا الحديث أنه بعد غسل اليدين وبعد غسل اليدين غسل فرجه غسل فرجه ثم مسح بيديه أو غسل ثم مسح يديه بالأرض مرتين أو ثلاثا وقد ذكر العلماء أنه يعفى عن بقية الرائحة بعد دلكها بالأرض أو غسلها بمطهر آخر. Donc le cheikh il dit, ce hadith, dans ce hadith ici, il mentionne qu'après avoir lavé les mains, hein, et après avoir lavé les parties intimes, que le prophète a essuyé ses mains sur la terre trois fois, ou sur le mur, deux ou trois fois. Et donc certains ulama ont mentionné que, qu'est-ce qui reste comme odeur après avoir frotté la main sur la terre, ou bien yani, après avoir lavé les mains avec quelque chose d'autre qui purifie les mains, que ça c'est excusable. C'est-à-dire, s'il reste une odeur après avoir nettoyé les parties intimes avec la main et après avoir essuyé la main sur le mur, eh bien ça c'est excusé, c'est pas quelque chose qui yani, annule ou enlève la purification. Le point numéro 3, يتعين أن ينوي بغسل فرجه ابتداء الجنابة لأن لا يحتاج إلى غسله مرة أخرى. Donc il dit, le cheikh, que comme point numéro 3, c'est obligatoire quand il lave ses parties intimes au début de la janaba qu'il ait l'intention, hein, que ça fasse partie du nettoyage de la janaba lorsqu'il le fait, pour pas qu'il ait à nettoyer ses parties intimes une autre fois. Le point numéro 4, في الحديث الأول ذكر أنه توضأ وضوء الصلاة ويقتضي أنه غسل رجليه وهذا الحديث صرح أنه غسل رجليه بعد غسل الجسد. Donc, il dit que dans le premier hadith, il a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le wudu de la salat après avoir lavé ses parties intimes. Dans le hadith précédent, ça mentionne que il a fait son wudu comme il le fait pour la salat, et ça implique qu'il a lavé ses pieds, ça implique qu'il a lavé ses deux pieds. Et dans le hadith qu'on a lu ici, il lave uniquement ses pieds après avoir terminé de laver son corps au complet. Et donc le cheikh il dit ensuite, la'alla ahsana ma yujma'u baynahuma an yuqal innahu tawadda'a fi hadith Maymuna wudu'an kamilan lakinnahu ghassala rijlayhi marratan thaniya ba'da ghasl al-jasad fi makan akhar liyakuna al-makan al-mughtasal fihi likawn al-makan al-mughtasal fihi mutalawithan. Donc le cheikh il dit probablement que la meilleure manière de réunir entre ces deux narrations ici par rapport au lavage des pieds, c'est de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Maymouna a fait son wudu au complet, mais il a lavé ses pieds une deuxième fois après avoir lavé son corps dans un autre endroit, c'est-à-dire il s'est déplacé parce que l'endroit dans lequel il a fait le ghusl est un endroit qui a été souillé par l'impureté. Donc ça c'est une explication que les ulama ont dit à ce sujet-là. Le point numéro 5, في هذا الحديث أن ميمونة جاءته بخرقة لينشف بها أعضاءه فلم يقبلها وإنما نفض يديه من الماء. نفض يديه من الماء Donc ici le point numéro 5, qu'est-ce qu'on peut tirer du hadith aussi, c'est que Maïmouna elle lui a amené un tissu ou quelque chose pour assécher ses membres, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas accepté, hein, il n'en a pas voulu, et il a uniquement enlevé l'eau de ses membres avec ses mains. Il a seulement jeté ou repoussé l'eau de ses membres avec ses mains. Le point numéro 6, annahu la yajibu dalk al jasad fi al ghusl. La yajibu dalk al jasad fi al ghusl wa huwa kad dalk fi al wudu sunnah. Il dit qu'il n'est pas obligatoire de frotter le corps pendant le ghusl. Il dit que c'est comme pour le wudu, c'est une sunna. C'est une sunna, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est recommandé, c'est pas obligatoire. Le point numéro 7, annahu la yursalu a'dha al-wudu lil-janabati ba'da ghusliha fi al-wudu. فقد صحح النووي أنه يجزئ غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنابة. Il dit que une fois que la personne a fait le wudu, elle n'a pas besoin de relaver les membres du wudu après quand elle se lave pour la janaba. C'est-à-dire que la personne, quand elle se lave pour la janaba, c'est pas nécessaire qu'elle relave les membres qu'elle a lavés durant le wudu, hein, puisque, comme ça a été confirmé et mentionné par l'imam al-Nawawi, que le fait que on ait fait le lavage de ses membres durant le wudu, eh bien, ça suffit et ça vient compléter, hein, ou bien disons que ça fait que ça vaut et ça compte pour le lavage de la janaba. C'est-à-dire que lorsqu'on fait le lavage pour la janaba, on commence toujours par le wudu, hein, laver les membres du wudu, et ensuite qu'est-ce qu'on fait, on prend de l'eau et puis à la fin, après avoir lavé les pieds, on verse de l'eau sur la tête, hein, trois fois, puis après on verse sur le corps. Puis quand on verse de l'eau sur le corps, on frotte les endroits qui n'ont pas été lavés durant le wudu, hein, tout le reste du corps. Donc, c'est ce que le cheikh explique ici, c'est que ce que tu as lavé durant le wudu, tu n'as pas besoin de le laver après pour la janaba. Non, tu l'as lavé une fois, c'est déjà suffisant. Après, il dit comme point numéro 8, ghaslu al-jasad marratan wahida wa ba'dhum yaj'aluhu thalathan qiyasan 'ala al-wudu wa la qiyasan 'ala an-nass, wa hadha ikhtiyar al-shaykh al-islam ibn taymiyyah wa shaykhuna Abd al-Rahman al-Sa'di wa ahad al-wajhayn fi madhhab Ahmad. Le point numéro 8, c'est que le corps, lorsqu'on fait le ghusl pour la janaba, on le lave une seule fois. Certains ont dit qu'il fallait le laver trois fois, et ils ont fait une analogie avec le wudu, comme on fait dans le wudu, on lave les membres trois fois. Sauf que il n'y a pas de qiyas possible durant la présence, ou lorsqu'il y a la présence d'un texte explicite et clair sur une question. Le qiyas, c'est seulement lorsqu'il n'y a pas de texte explicite sur quelque chose. Mais lorsqu'il y a un texte explicite sur quelque chose, il n'y a pas de place pour faire des analogies ou des qiyas. Et donc, le ghusl, le corps, on le lave une seule fois dans le ghusl, hein. Et ça, c'est la position de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, également du Cheikh de Al-Bassam, le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di aussi. Et c'est une des deux positions dans le madhhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Le hadith 31. Le hadith 31, c'est le hadith suivant. عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد إذا توضأ أحدكم فليرقد. Donc quelqu'un a posé la question, c'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما que Omar ibn al-Khattab, c'est-à-dire le père de Abdullah ibn Omar, est venu voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, ô messager d'Allah, est-ce que l'un d'entre nous peut dormir après qu'il soit en état d'impureté à cause des rapports intimes? C'est-à-dire, il a eu des rapports avec son épouse. Est-ce qu'il peut dormir après? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut dormir après avoir eu des rapports sexuels, donc dans l'état de janaba, est-ce qu'il peut dormir? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, oui, il peut, s'il a fait le wudu. Si l'un d'entre vous a fait son wudu, alors qu'il dort. Donc c'est pour dire que si quelqu'un veut dormir après avoir fait le wudu sans faire son ghusl, il peut se limiter juste à faire le wudu pour ensuite aller dormir. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le sens de ce hadith, le sens général de ce hadith, c'est le suivant. كان الحدث من الجنابة عندهم كبيرا ولذا أشكل عليهم هل يجوز النوم بعده أم لا. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابت أحدهم الجنابة من أول الليل فهل يرقد وهو جنب؟ فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بذلك على أن يخففوا هذا الحدث الأكبر بالوضوء الشرعي وحينئذ لا بأس من النوم من الجنابة. Donc le cheikh, il dit, dans le sens général de ce hadith, que al-hadath, c'est-à-dire l'impureté, lorsque quelqu'un est junub, il est en impureté majeure parce qu'il a eu des rapports intimes, pour eux c'était quelque chose de grave. Pour les sahaba à l'époque, c'était quelque chose, quand ils étaient junub, pour eux c'était quelque chose de grave. Et donc, c'est pour ça que certains avaient le problème suivant. Est-ce qu'on a le droit de dormir tout de suite après ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit tout de suite après avoir eu des rapports intimes? On a le droit de dormir dans cet état-là ou non? Alors, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a posé la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si l'un d'entre nous, au début de la nuit, a eu des rapports sexuels avec sa femme, est-ce qu'il peut dormir tout de suite après alors qu'il est impur, qu'il est en état de janaba? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la permission à quelqu'un, aux gens de le faire. Il a donné la permission aux gens de dormir en état d'impureté majeure à condition qu'il atténuait ou qu'il diminue cette impureté majeure en faisant le wudu légal. Pour la salate. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de mal de dormir en état de janaba. Naam. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de mal de dormir en état de janaba. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith comme règle? Le premier, c'est qu'il est permis de dormir en état de janaba avant d'avoir fait le rusul, lorsque quelqu'un a fait le wudu. Jawaz nawm al junub qabla al ghusl idha tawadda. Le point numéro 2, an al kamal an la yanam al junub hatta yaghtasil li anna al iktifaa bil wudu rukhsa. Donc la perfection, c'est-à-dire si tu veux faire qu'est-ce qui est le mieux, eh bien, tu vas pas dormir avant d'avoir fait ton ghusl. Ça, c'est qu'est-ce qui est le mieux à faire. Puisque comme ça, si tu te réveilles, tu as juste à faire ton wudu, tu fais ta salat, parce que tu as déjà fait le ghusl. Mais si tu te limites à faire le wudu, ça c'est une permission. C'est une permission. Qu'est-ce qui est mieux à faire? C'est de faire le ghusl tout de suite. Pourquoi? Parce que des fois, si par exemple tu fais pas, on va dire, tu fais juste le wudu avant de dormir et que tu es en état de janaba, des fois quand la prière de Fajr arrive, tu es plus paresseux de te lever et d'aller faire ton ghusl pour faire ta salat. Hein, parce que tu dis, ah, je dois aller me laver et tout, c'est compliqué, hein, ou bien c'est plus long. Tandis que si tu as déjà fait ton ghusl avant de dormir, tu te lèves pour le Fajr, tu as seulement à faire ton wudu rapidement et tu pries. Donc c'est plus facile, surtout quand il fait froid, par exemple, l'hiver, ou des choses comme ça. Le point numéro 4, yani, كراهيه نوم الجنوب بلا غسل ولا وضوء. C'est-à-dire que si quelqu'un s'endort après avoir eu des rapports intimes sans avoir fait de ghusl ni avoir fait le wudu, ça c'est quelque chose qui est makruh, c'est quelque chose qui est détestable. Hein, c'est pas haram, mais c'est makruh, quelque chose de détestable. Non, donc ça c'est pour le hadith numéro 31. Maintenant le hadith numéro 32, an Umm Salama, زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء رواه البخاري ومسلم. نعم. Donc c'est un hadith qui est rapporté selon Salama, hein, l'épouse du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم et la mère des croyants. Salama, elle dit que Sulaym, la femme de Abu Talha, elle est venue voir le prophète Mohammed, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a dit, ô messager d'Allah, Allah, certes, il n'est pas gêné de la vérité. Il n'est pas gêné de la vérité. Est-ce que la femme, lorsqu'elle a des rêves érotiques, est-ce qu'elle fait le ghusl? Hein? Est-ce que la femme doit faire le ghusl après avoir eu des rêves érotiques et que elle a eu par exemple une décharge de liquide, hein, de ses parties intimes après avoir vu dans son rêve, qu'est-ce que l'homme voit par exemple lorsqu'il a des rapports intimes avec une femme? La femme peut avoir parfois des rêves érotiques aussi, elle voit qu'elle est en train de faire des rapports sexuels. Et à cause de ça, elle a une sorte de décharge, une éjaculation. Comme ça peut arriver à l'homme, ça peut arriver à la femme. Alors, est-ce qu'elle a la question de Sulaym, c'était, est-ce qu'elle doit faire le ghusl? La femme aussi, dans ce cas-là. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu et il a dit, Na'am, idha ra'atil ma. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu et il a dit oui, lorsqu'elle voit le liquide en question, le liquide qui a coulé, qui est sorti de ses parties intimes. Donc c'est la même chose pour l'homme aussi. Si l'homme, il se réveille, il a eu un rêve érotique, il voit dans ses sous-vêtements des traces de sperme qu'il a eu une éjaculation, eh bien, dans ce cas-là, il doit faire le ghusl. Naam. Toutefois, s'il se réveille et il ne voit aucune trace, dans ce cas-là, il n'a pas à faire le ghusl. Il fait le ghusl seulement s'il voit des traces de sperme sur ses vêtements. Le sens général de ce hadith, al-ma'na al-ijmali lil-hadith, جاءت أم سليم الأنصارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله، ولما كان سؤالها مما يتعلق بالفروج، وهي مما يستحيا من ذكره عادة، قدمت بين يدي سؤالها لإلقاء سؤالها حتى يخف موقعه على السامعين، فقالت إن الله جل وعلا وهو الحي لا يمتنع من ذكر الحق الذي يستحيا من ذكره من أجل الحياء ما دام في ذكره فائدة. فلما ذكرت أم سليم هذه المقدمة التي لطفت بها سؤالها دخلت في صميم الموضوع فقالت هل على المرأة غسل إذا هي تخيلت في المنام أنها تجامع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليها غسل، عليها الغسل إذا رأت نزول ماء الشهوة. Donc le cheikh il explique donc le sens du hadith. Umm Sulaym al-Ansariya, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a posé la question. Elle lui a dit, yani, étant donné que sa question était à propos des parties intimes, hein, et en général, c'est des choses un peu gênantes, hein, un peu embarrassantes. Alors, avant de poser sa question directement, elle a présenté devant sa question une petite introduction pour essayer d'alléger un peu yani, l'embarras de cette question. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, pour essayer d'alléger un peu l'embarras de la question, elle a dit, Allah, certes, est celui qui est le plus pudique. Hein, et celui qui est le plus pudique. Et malgré tout, il ne s'empêche pas de mentionner la vérité que les gens ont parfois de la gêne à mentionner à cause de la pudeur et de la timidité. Hein, il ne s'abstient pas de mentionner la vérité tant qu'il y a un bienfait dans le fait de le mentionner. Donc, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala ne se gêne pas de mentionner la vérité qui est bénéfique pour les gens, que les gens ont besoin de connaître, alors elle dit, maintenant, une fois avoir mentionné ça, elle mentionne maintenant sa question et elle rentre dans le sujet. Elle dit, est-ce que la femme, lorsqu'elle imagine dans un rêve que on est en train de avoir des rapports sexuels avec elle, est-ce qu'elle doit faire le rusul? Hein? Est-ce qu'elle doit faire le rusul? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, oui, elle doit faire le rusul lorsqu'elle a vu qu'il y a eu du sperme qui est sorti d'elle, ou bien un liquide, hein, qui est sorti d'elle à cause des désirs, hein, du désir qui, quand elle a eu une éjaculation, quelque chose comme ça. Le cheikh il dit, ما يؤخذ من الحديث. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? Premièrement, il y a 5 points des règles qu'on peut tirer de ce hadith. Là, il y a 5 qui sont mentionnées par le cheikh ici. Le premier point, أن المرأة عليها الغسل حين تحتلم. Hein, إذا أنزلت ورأت الماء. Premier point, que la femme, elle doit faire le ghusl lorsque elle a, qu'est-ce qu'on appelle en arabe, al-ihtilam, hina tahtalim. Al-ihtilam, c'est-à-dire d'avoir une éjaculation durant le sommeil, à cause d'un rêve qu'on voit, hein, un rêve dans lequel on est en train d'avoir des rapports sexuels ou des choses comme ça. Donc, lorsque la femme a des rêves érotiques et qu'elle a une éjaculation, elle doit, elle aussi, faire le ghusl. Et c'est une obligation. Le point numéro 2, أن المرأة تنزل كما ينزل الرجل ومن ذاك يكون الشبه في الولد كما أشار إلى هذا بقية الحديث. Que la femme, elle a une éjaculation de la même manière que l'homme a une éjaculation, et c'est de là que vient la ressemblance de l'enfant avec son, avec sa mère ou son père, soit entre sa mère ou son père, comme c'est mentionné dans le reste du hadith. Le point numéro 3, إثبات صفة الحياء لله جل وعلا إثباتا يليق بجلاله على أنه لا يمتنع أو لا يمتنع تعالى من قول الحق لأجل الحياء. قال ابن القيم في البدائع إن صفات السلب المحض لا تدخل في أوصافه تعالى إلا إذا تضمنت ثبوتا وكذلك الإخبار عنه بالسلب كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم فإنه يتضمن كمال حياته وقيوميته. Donc le cheikh, il dit que d'affirmer l'attribut de la timidité ou de la gêne à Allah Azza wa Jal, hein, c'est une affirmation qu'on doit faire telle qu'il convient à la majesté d'Allah et à sa grandeur et à sa perfection. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne s'abstient pas de dire la vérité à cause de la timidité, de la gêne, de la pudeur. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, il mentionne que les attributs de négation, les attributs de négation absolue et pure n'entrent pas dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté si elles comprennent une affirmation quelconque. Et même dans le cas où on nous informe d'une négation à propos de quelque chose qu'on nie à Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple dans le verset 255 dans Sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nie la somnolence et le sommeil, eh bien l'imam Ibn al-Qayyim dit, dans ce cas-là, ça implique d'affirmer la vie et yani le fait que Allah subhanahu wa ta'ala se suffit à lui-même de façon parfaite, hein, et qu'il n'a besoin de rien et qu'il a une vie complète et parfaite. Donc il n'y a rien, c'est-à-dire quand on nie quelque chose à Allah comme attribut qu'il s'est nié à lui-même ou comme imperfection, ça implique d'affirmer son contraire, hein, son parfait contraire. Il n'y a pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne se décrit pas lui-même par uniquement une pure négation, contrairement à ce que font les philosophes et les gens de kalam. Lorsqu'ils décrivent Allah, ils décrivent Allah par des négations. Hein? Ils disent Allah n'a pas de couleur, Allah n'a pas d'odeur, Allah n'a pas de forme, Allah n'a pas de... Et ils énumèrent plein de négations comme ça qui n'ont aucune référence dans les textes du Coran et de la Sunna, et qui en même temps n'impliquent aucune perfection. Et c'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim dit ici, lorsqu'on nie quelque chose à Allah, on doit affirmer son parfait contraire. Donc c'est-à-dire qu'on affirme On affirme à Allah subhanahu wa ta'ala l'attribut qu'il s'est affirmé pour lui-même de la façon qui lui convient. Et on affirme que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'abstient pas de dire la vérité dans le, à cause de la timidité. Après le cheikh, il dit, comme point numéro 4, أن الحياء لا ينبغي أن يمنع من تعلم العلم حتى في المسائل التي يستحي منها. Donc le cheikh, il dit que la pudeur, on ne doit pas, elle ne doit pas nous empêcher d'apprendre la science, même dans les questions, yani, même dans les questions qui causent parfois de l'embarras ou de la gêne. On ne doit pas s'empêcher d'apprendre à cause de la gêne et de la timidité dans les questions qui ont rapport avec la science. Le point numéro 5, anna min al-adab wa husn al-mukhataba an yuqaddima amam al-kalam alladhi yustahya minhu muqaddima tunasib al-maqam wa tamhidan lil-kalam liyakhif waq'ahu ولأن لا ينسب صاحبه إلى الجفاء. Donc le point numéro 5, c'est que parmi les bonnes manières, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un et qu'on va mentionner quelque chose d'un peu gênant et d'embarrassant, c'est mieux de faire précéder cette question ou cette parole par une introduction qui va alléger un peu son sens, hein, qui va alléger un peu le sens un peu cru de la question qui va suivre, hein, pour pas que la personne semble comme une personne un peu rude qui n'a pas de manière, hein. Donc c'est très important. Le hadith numéro 33, an Aisha radiyallahu anha qalat kuntu أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ مسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه. Et non. Donc le cheikh explique, il dit que Aïcha radiallahu anha, elle dit, je lavais les traces de janaba sur le vêtement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il sortait avec ce vêtement pour faire la salat, alors que la trace de l'eau, hein, la trace de l'eau était, ou la les traces d'eau étaient encore visibles sur son vêtement. Et il sortait pour faire la salade comme ça. Dans une autre narration, elle dit, je frottais les traces, hein, ou le sperme qui était sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le frottais. Je le grattais lorsqu'il était sèche du vêtement du messager sallallahu alayhi wa sallam, et il priait dans ce vêtement là et ça c'est rapporté par Muslim. Le premier c'est rapporté par Al-Bukhari, celui qui mentionne les traces d'eau, et le deuxième c'est rapporté par Muslim. Le sens général de ce hadith: تذكر عائشة رضي الله عنها أنه كان يصيب ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المني من الجنابة، فتارة يكون رطبا فتغسله من الثوب بالماء فيخرج إلى الصلاة والماء لم يجف من الثوب، وتارة أخرى يكون المني يابسا وحينئذ تفركه من ثوبه فركا فيصلي فيه. Donc le cheikh, il explique, il dit que Aïcha radiallahu anha, يعني elle mentionne dans ce hadith que parfois quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des rapports sexuels avec ses épouses, eh bien il y avait du sperme, hein, des rapports intimes qui pouvaient tomber sur ses vêtements ou être touché à ses vêtements. Il y avait des traces de sperme sur ses vêtements. Alors quand c'était du sperme qui était encore humide, hein, eh bien elle le lavait sur son vêtement directement avec de l'eau pour le nettoyer. Et il sortait pour aller faire la salat alors que l'eau n'avait pas encore séché sur son vêtement. D'autres fois, le sperme en question était déjà sèche. Hein, il avait déjà séché sur ses vêtements. Alors qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle le grattait de son vêtement pour l'enlever. Et il partait faire la salat. Il priait dedans. Il priait dans son vêtement avec son vêtement que Aïcha radiallahu anha avait gratté, dont elle avait gratté le sperme dessus. Donc il priait par la suite avec. Le point qu'on peut tirer de ce hadith, il y a plusieurs points, dont quatre points qui sont mentionnés ici. Mais avant les... Non, il y a deux points qui sont mentionnés sur qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith, mais il y a, avant la mention des points, les divergences des ulama par rapport à la question de qu'est-ce qui est mentionné dans ce hadith au sujet du sperme. Le cheikh, il dit « اختلف العلماء في نجاسة المني فذهبت الحنفية والمالكية إلى نجاسته مستدلين بأحاديث غسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها هذا الحديث الذي معنا وذهب الشافعي وأحمد وأهل الحديث وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المحققين إلى طهارته مستدلين بأدلة كثيرة منها ما يأتي. Donc, premièrement, qu'est-ce que le cheikh explique ici? Il explique que les ulama ont divergé au sujet du sperme. Est-ce que le sperme est pur ou impur? Donc, il y a divergence entre les ulama sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est la position? Qu'est-ce que c'est la position des ulama là-dessus? Le mazhab des Hanafiya et des Malikiya, eux, ils considèrent que le sperme est impur. Et parmi les preuves qu'ils mentionnent pour justifier leur position, c'est que dans les hadiths qu'on a lus, comme le hadith qu'on vient de lire, le premier, c'est celui qui est rapporté par Al-Bukhari. Aïcha radiallahu anha, elle mentionne qu'elle a lavé l'endroit du vêtement du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il y avait du sperme. Donc, du moment que c'est lavé, donc eux ils considèrent que ça veut dire que ça c'est la preuve que c'est impur. Hein? Sinon, ils considèrent qu'elle ne l'aurait pas lavé puisque si c'est pas impur, pas besoin de le laver. Donc ça c'est leur argument. Tandis que l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad, de même que les gens du hadith, parmi les ulama du hadith, et l'imam Ibn Hazm et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et d'autres également parmi les vérificateurs d'entre les ulama, eux ils ont plutôt adopté la position que le sperme est pur. Et ils ont ramené pour prouver que le sperme est pur plusieurs preuves. Voici des preuves que les ulama ont mentionnées pour prouver que le sperme est pur. Et ils ont, le cheikh ici, il en cite quatre. Donc la première, Sihat ahadith farq Aisha radiallahu anha al-mani min thawb rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. إذا كان يابسا بظفرها فلو كان نجسا لما كفى illa al-ma kasa'ir an-najasat. Donc parmi les preuves que le sperme est pur, il y a les hadiths qui sont authentiques, qui mentionnent que Aïcha radiallahu anha a gratté avec ses ongles, hein, avec son ongle, elle grattait le sperme qui était sur le vêtement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsque le sperme était séché. Si le sperme était impur, eh bien le fait de le gratter n'aurait pas été suffisant, tout comme pour les autres impuretés. Il aurait fallu le laver, hein, il aurait fallu le laver le vêtement et non pas seulement gratter le sperme dessus. Ça c'est la première preuve. La deuxième preuve, أن المني هو أصل الإنسان ومعدنه فلا ينبغي أن يكون أصله نجسا خبيثا والله كرمه وطهره. Donc le cheikh il dit que le sperme c'est l'origine de l'homme, hein, c'est la source de l'homme, c'est la chose de laquelle l'homme est créé. Il ne convient donc pas que l'origine de l'homme elle-même soit impure et sale, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a honoré et purifié l'homme. Ça c'est la deuxième preuve. La troisième preuve, لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والتحرز منه كالبول. Donc troisièmement, le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas ordonné de le laver et de s'en préserver comme le sperme, comme l'urine, pardon. Le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas ordonné de le laver et de s'en préserver de la même manière que, contrairement à l'urine. Hein, contrairement à l'urine, le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné de laver l'urine et de s'en préserver. Le point numéro 4, أجاب عن أحاديث غسله بأن الغسل لا يدل على النجاسة كما أن غسل المخاط كما أن غسل المخاط ونحوه لا يدل على نجاسته والنظافة من النجاسات والمستقذرات مطلوبة شرعا فكيف لا يقر غسله صلى الله عليه وسلم. Et ils ont répondu, le cheikh il dit, ils ont répondu à l'argument des Hanafiya et des Malikiya qui disent que c'est impur parce que Aïcha radiallahu anha a lavé le vêtement du prophète, du messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait du sperme qui était humide dessus. Ils ont répondu à ça en disant que le rusul, le fait que Aïcha radiallahu anha a lavé le sperme humide du vêtement du messager sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut pas dire que le sperme est impur en lui-même. De la même manière que on lave la morphe, hein, ou le mucus qui sort du nez, lorsqu'il y en a sur le vêtement, on le lave. Mais ça ne veut pas dire que c'est impur. Donc de la même manière que le fait qu'on lave les saletés ou le mucus de notre vêtement, lorsqu'il y a de ces impuretés là-dessus, eh bien ça ne veut pas dire que c'est impur. Donc c'est la même chose pour le sperme. Puisque de garder nos vêtements propres, hein, c'est pas seulement des impuretés, c'est aussi des choses qui sont sales, même si ce sont des choses qui sont pures. Et ça, c'est quelque chose qui est encouragé par la charia, de rester propre de qu'est-ce qui est impur et de qu'est-ce qui est sale aussi, pas seulement de qu'est-ce qui est impur. Alors comment, dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné à Aïcha radiallahu anha de laver le vêtement lorsqu'il y avait du sperme séché et qu'il a accepté qu'elle se limite à le gratter de son vêtement seulement. Hein? Donc ça, c'est un exemple aussi. Pour répondre à leurs arguments. Le point numéro... donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là? Il y a deux choses. Taharatul mani wa adamu wujubi ghaslihi min al-badan wa siyab wa ghayriha. Donc, le premier point qu'on peut tirer du hadith, c'est le fait que le sperme est pur et que ce n'est pas obligatoire de le laver sur le corps ou sur les vêtements ou autres. Ça, c'est le premier point qu'on peut tirer de ce hadith. Et le deuxième point, استحباب إزالته عن الثوب والبدن فيغسل رطبا ويفرك يابسا. Donc le deuxième point, c'est qu'il est recommandé d'enlever ce sperme des vêtements ou du corps, soit lorsqu'il est humide, c'est-à-dire lorsqu'il est liquide, encore liquide, de le laver s'il est liquide et de le gratter s'il est sèche. Ça, c'est recommandé et non pas obligatoire. Tayyib. Donc on s'arrête ici inshallah pour aujourd'hui et on continuera au prochain cours la suite de ces hadiths inshallah. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.